chez les Watts. Psychothérapie. Peut-être une victoire française et un maillot jaune, peut-être. Franck Fitzik. Et oui, c'est vrai qu'avec lui, on n'est jamais déçu. Il y a toujours quelque chose à dire. Let's sort de ce corps. Je vois là-bas le peloton. Bon, aujourd'hui, on est passé par... On a fini Pénestin. On a fait tout le tour de la baie. On est passé par... c'était quoi le patelin là-bas? C'était déjà Guérande. Bah on est descendu, on a coupé en fait au final entre Pénestin et Guérande. Ouais, un peu, ouais. Ouais, on a coupé. Hein. Ouais, on a coupé parce qu'il y avait Tourbal là, c'est ça? Oui, c'est ça. Nous, on a fait direct Guérande, les remparts, la petite ville. Je savais même pas que c'était fortifié. Voilà, découverte qu'il y avait des remparts à Guérande. Alors c'est vraiment minuscule hein, par contre. Hein. La ville. Le bourg-ville. Minuscule. Mais très très sympa. J'aime bien avec les petits drapeaux qui flottent là tout le temps. Là. Il y avait la même chose à Saint-Malo en blanc et bleu. C'est vraiment sympa. Là c'était rouge et jaune. Bon, t'as pas acheté de sel. J'ai pas acheté de sel. T'es déçu? Mais j'ai du sel de Guérande à chez moi de toute façon. Ah bon. C'est pour le geste quoi. C'est pour le... Mais ouais. T'aurais pu. Un petit kilo de sel. Un petit kilo de sel, bah là. Ouais. Bon, toi, ça aurait pas fait une grosse différence sur le vélo. Il y avait de quoi l'arnacher derrière. Là. Après, le problème, c'est que si tu troues le truc, et tu fais le petit poussé de sel, quoi. Guérande, le Croisy, enfin les marais salants. Très joli. Et pas mal de diversité quoi. S'il y a de paysages déjà. Alors c'est marrant parce que en fonction de où t'es, tu vois vraiment rien. Et des fois tu vois un peu les marais salants. J'aimerais bien. Il faut que je re-regarde un reportage sur comment ils font le sel parce que j'ai vu ça un peu l'autre jour, mais c'était plus sur. On voyait comment ils faisaient. J'ai un indice, j'aurais foncé chez l'eau. Oui, non mais d'accord, oui, mais tu vois, moi c'est les gestes qui m'intéressent. Et justement, ce reportage-là, il était plus sur les gestes. Que tout le chemin du sel. Bah après t'as juste à en gros racler le fond de dépôt en fait de ouais, sel, c'est ça. De cristaux de sel qui s'accumulent. On dirait vraiment de la vase au début. Hein. Bah nous en fait on est passé après la salaison. Hein. Il y avait encore des petits tas un peu partout quoi. Il y avait encore des tas, mais tu vois, ils étaient du coup en tas. Ouais. Déjà, les trucs étaient déjà cassés. Ouais. Mais du coup après tu peux pas laver le sel tu vois. Ça marche pas. Après c'est du sel, hein, tu sais, y a pas grand chose qui vit dans du sel hein, globalement. Ouais mais je veux dire quand ils le remettent sur le bord, il est pas. Enfin il est noir un peu. Je pense que c'est une fois qu'il est sorti de l'eau. Ouais mais c'est vendu comme ça. Hein. Le sel de Guérande, il est gris. Il est gris en fait. Ouais mais je pense qu'il est plus gris. Je pense qu'il continue de sécher. Tu vois, genre ils le prennent au fond. Ils le ramènent sur le bord, là. C'est pour ça qu'ils ont des petits demi-cercles. Et ils font des petits tas et ils le continuent de le faire sécher. Et là, ça reblanchit un petit peu. Ouais. Ils le mettent dans le gros tas ensuite. Mais j'aime bien ces trucs-là. Quoi. C'est, tu vois, les mecs, ils sont posés, ils font des trucs très très précis. Ouais, c'est un sacré taf. Ah ouais, de ouf. Bah là, t'imagines, ils font tout à la brouette. Hein. Ils font tout à la brouette. Guérande, le Croisic, très beau jeu, très beau port le Croisic, hein, sympathique. Bon, on a fait tout le tour de la pointe. C'était un peu balèze. C'était très très chiant les voitures. C'était très chiant, mais il n'y avait pas d'aménagement en fait. J'en peux plus des voitures. En plus, il y avait du monde aujourd'hui. Hein. Dimanche, là, tout le monde retournait à Paris. Ah là là. Ah non, mais. Va sur mer ensuite. Bah pornicher. Pouligan. Pouligan d'abord. Pouligan, c'est quoi l'enchaînement? C'est Pouligan, la boule. Croisic, va sur mer, Pouligan, la boule, pornicher, c'est un attaque. Oh la boule. La boule. Oh la boule. Mais pour. Enfin, honnête. Enfin, qui va là-bas quoi? Je comprends pas. Parce que moi, les mecs qui disaient on va à la boule, j'ai toujours entendu des bobos, quoi. C'est public, hein, de toute façon. J'ai jamais entendu... Ouais, mais C'est, enfin, t'imagines la gueule des bâtiments. T'imagines, enfin, pour moi, c'est Berck dans le nord et c'est pas des gens riches qui vont là, quoi. Mec, alors imagine-toi un appart à Paris, genre au cinquième étage, c'est un pauvre petit truc, dans un immeuble avec sans escalier, c'est un pauvre 40 mètres carrés ou 50 mètres carrés, qui t'a coûté un demi-million. Quand tu vas quand tu prends un appart à La Baule qui fait 120 mètres carrés en bord de mer, enfin en front de mer, hein, littéralement, avec une terrasse comme as, ça doit coûter. Je vais pas inventer un prix du mètre carré, mais c'est certainement moins cher qu'à Paris. Et que tu peux aller là en train, direct, depuis Gare Montparnasse, en 2 heures ou 2 heures et demie, je ne me souviens plus. Bah, en fait, c'est bénef, quoi. Enfin, c'est genre bonjour, je pars le vendredi soir, je passe mon week-end à la mer, quoi. Et évidemment, les gens, ils achètent ça. Évidemment, il y a une demande qui est démentielle. Et au début du 19e siècle, des investisseurs visionnaires comprennent le potentiel de la baie de Pouliguen. Non, non, non, non, non, on s'en fout. Plage longue de 8 km, du coup. Oh! 8 km. Oh! Oh, qu'est-ce que je t'avais dit? 8 km! Exactement! Du coup, celle de Royan qui fait 7 km est aussi quasiment aussi grande, mais elle me paraît, dans les souvenirs éthérés, elle me paraissait beaucoup plus petite. Alors. Ah, j'ai le compas dans l'œil. J'ai le compas dans l'œil. Alors, et du coup, en fait, ok. Alors, c'est bizarre, il y a plein de dates. Il y a plein de quartiers qui ont été faits au fur et à mesure, en fait. À partir de la date la plus ancienne, c'est 1876. Hein. Ah, mais ça c'est les jolies maisons qui restent. Tu sais, le premier. Bah attends, ouais, alors elles n'étaient pas non plus incroyables. Hein. Et les dernières qui ont été À mon faites. avis, c'est pas celles qui sont en fronton de mer. Hein. Avec les dernières qui ont été faites, c'est 1923. Hein. Il n'y avait plus aucune construction. Alors, Ah. non, c'est un établissement. Un établissement Ouais, c'est construction numéro une. Ça C'est veut pas ça. dire qu'ils ont pas détruit et C'est reconstruit. ça. Si, Voilà. ils ont détruit et reconstruit, Ouais. mais après, l'établissement de la commune Ouais, ouais, ouais, et des premières maisons, c'était à partir de ces dates-là. Et alors, du coup, année 1960, densification du front de mer, début de démolition des villas et hôtels et boulevards. Ok. Donc c'était ça le bail. C'était ça le bail. Ouf, vache. Ah, ces trucs-là, ces trucs années 60, 60, 70, 60, quoi. 70, hein, exactement. Ouais, bon, c'est bien la gueule Bah, que c'est ça. bien Hein. moche comme pas possible, hein, de toute Bon, façon. c'est ça. Ça a bien mal vieilli comme ça mal vieilli. Et ça a bien des architectures pétées, un truc avec l'arrondi, là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, Alors, du coup. et dire que t'as détruit des plages et des littoraux et des trucs comme ça. Ouais, Oh, c'est ça. pour faire des merdes pareilles, c'est pas possible. Non, t'arrives sur la plage, t'arrives au niveau de Pouliguen, c'est ça? Tu vas sur la pointe du truc, tu as un panorama sur la plage, et en fait, t'as la plage qui fait donc qui est très très grande, qui s'étend Il fait combien jusqu'à déjà? 8 km. Ah voilà. Et t'as un mur d'immeubles blancs qui font 5 étages maximum, qui s'étend Ouais, bleu, blanc et blanc passé, hein, parce que blanc et blanc sale, ouais, il y a un blanc peu du sale. jaune. Hein. Ouais. Il s'étend jusqu'à la fin de la plage, généralement C'est chiant. c'est chiant, mais surtout, mais tu vois, il n'y a plus rien en fait, il n'y Et a plus t'as aucune. raison, hein. Saint-Nazaire largement supérieur, Juste parce qu'il y a des arbres en juste fait. parce qu'il y a des arbres et de la pelouse. C'est ça. Bah ouais. Et quand même, il y a moins de, je trouve, Bah, il y a moins de building, de mais là, ça building c'est. et tout. Ouais. Ouais. Il y a de plus de jolies maisons. Et clairement, il y a des arbres en fait. Là, la Baule, c'est vraiment, c'est truc de touriste. Pas, il n'y a pas vraiment. Tu vois, il y a deux, trois hôtels espacés en fait par Ouais, c'est de as. la location, quoi. Non, c'est vraiment des résidences secondaires. Non, je suis en train de lire ça sur Wikipédia là du coup. C'est vraiment des résidences secondaires. Il y a de la location, Bah, sûrement, des gens qui habitent je là leur aussi et qui laisse. travaillent là, mais c'est ça, oui. Je leur laisse. Mais pas de problème. Pas besoin. Ouais, qu'ils achètent ça. Qu'ils laissent les campagnes tranquilles et qu'ils achètent ça. Mais à midi, tu vois, j'ai eu faim hein, avant qu'on mange. C'est pas bien. Bah si, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que t'es vivant. Ça veut dire, non. Quand ton corps il envoie des signaux comme ça veut dire que c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que tu es déjà en train de ponctionner sur tes ressources, sur tes réserves. Comme quand tu as soif. Si tu as soif, c'est que tu es déjà en train de te déshydrater. Oui, bien sûr. Mais je pense plus que... On n'a pas assez mangé au matin. Ouais. Bah, on n'avait pas mangé. Ça manquait de... Ça manquait de sandwich jambon beurre à 8 heures. Café bien sucré aussi.